Le président Gadget et ses talonnettes adopivotantes a rameuté aux Fouquets ses meilleurs potes adopis de bar, ses adopis VIP et ses adopis stars de clubs et de yachts. Il refit de même moult fois pour ripailler à ses garden parties avec tous ses adopis cassiettes. Adopis plus loin sortit alors son adopistolet et les arrosa tous pour qu'ils votent pour Adopi. Les adopis qui chantent, les adopis voleuses, pas venues faire adopis rouette arrière, les adopis ralènes et les adopis rana, qui se reconnaîtront tous. Tous ces adopiques maillons sont venus adopicorer et défendre leurs adopicaillons. Adopicanthropes, mais pas philanthropes. Ils ont séant posé leurs séants et adopiteusement admis que les adopiques de la Mirandole sont tous, sans exception, des adopiques pocket qui font de l'adopillage en règle. Inutile d'adopignousy pour quelques pignoufs qu'on va foutre au gnouf. Tous ces adopicoleurs se sont réunis en groupe d'adopilotage avec en guest star Frédéric Legrand, bonsoir, qui invoqua avec emphase Adopirandello, Adopicasso, entre autres grandeurs, qui se font selon lui adopijonner. Et il entonna la Marseillaise devant sa majesté, au nom de tous les Français, d'Adopicardie aux Adopyrénées. À l'Adopisautière, ils convinrent du théorème d'Adopithagore. Du sérieux, pas de l'Adopipitcha, ni de l'Adopisalé. Ce ne sont pas quelques Adopinailleurs, ni des Adopis vinaigres, qui les arrêteront. Ils ont jugé à l'aune de l'infaillible adopifomètre agréé par le très estimable Figaro. L'adopilonnage en règle de la presse libre, si elle existe, permettra l'adopistage au plus près des adopirateurs qu'ils cloueront à l'adopilori. Ils s'occuperont plus tard, en 2012, de l'ours adopyrénéen et lui feront bouffer les adopis en lit par les racines. Sur ce serment, ils se rendirent tous à l'adopizzeria adopimentée, arrivant même adopile poil à l'heure, pour terminer leurs adopicons de bière. L'adopinochet, au sommet de l'adopyramide, rejoint par des adopivers, se vit offrir un joli hochet. Ado, pitié de nous et de notre adopitance, et de nos adopirates, l'adopicure fera mal. S'il vous prend des adopicotements, ce n'est pas la grippe A, dopi. Rendez-vous à l'adopital, car l'adopicador a la lance acérée et sera aidé de tous ses adopistonnés. Ado puissance 4 peut maintenant Ado piaffer de joie dans son Ado pyjama de luxe avec son jeu tout neuf Ado puissance 4. Ado pis, c'est tout pour aujourd'hui.